Les personnalités de divers pays du monde condamnent vertement les exercices de guerre nucléaire dangereux américano-sud-coréens. Le président du Parti socialiste béninois a qualifié les manœuvres militaires américaines livrées dans toute l'étendue de Corée du Sud d'exercices de guerre d'agression et de simulacres de guerre nucléaire destinés à renverser en toute évidence la République populaire démocratique de Corée, alors que le président du Conseil central du Parti politique de la République populaire unie Kirghizielle du Kirghizistan a souligné que la Corée est un État souverain et légitime et une puissance nucléaire invincible. Le chef de chaire de la faculté de politologie de l'université de Damas de Syrie a affirmé que les États-Unis ont beau se démener aux manœuvres militaires pour supprimer la Corée en oubliant la leçon de la guerre de Corée, ce qui est un paroxysme de la bêtise. Le président des filiales de Chiclayo et de Toruhilio de l'Institut d'amitié culturelle Pérou-Corée a exprimé du soutien et de la solidarité absolue au gouvernement et au peuple coréen, qui manifeste la ferme volonté de défendre parfaitement la souveraineté du pays face aux exercices provocateurs pour une guerre nucléaire des États-Unis et de la Corée du Sud. Le secrétaire général de l'Institut international des idées du Jutsu a averti les États-Unis que s'ils recourent toujours aux monnaies de la guerre contre le Nord, ils feront l'objet des plus grandes représailles des militaires et civils coréens pour lesquels la souveraineté est vitale. Le président de l'Association d'amitié Égypte-Corée a souligné que les impérialistes s'adonnant à la provocation militaire contre la Corée ne feront qu'accélérer leur ruine définitive s'ils osent toucher même à une plante du territoire coréen.